17e chapitre. Comment Siegfried fut pleuré et enterré. Ils attendirent jusqu'à la nuit et repassèrent le Rhin. Jamais chasse plus funeste ne fut faite par des guerriers, car le gibier qu'ils avaient abattu fut pleuré par maintes nobles femmes, et maint bon chevalier devait payer de sa vie celle de la victime. Vous allez entendre le récit d'une bien grande audace et d'une effroyable vengeance. Hagen fit porter le cadavre de Siegfried du Nibelungenland devant la chambre où se trouvait Kriemhild. Il le fit poser secrètement devant la porte afin qu'elle l'y trouvât au moment où elle sortirait avant qu'il fît jour pour aller à Matin, auquel dame Kriemhild manquait rarement. On sonna à la cathédrale suivant la coutume. Kriemhild la très belle éveilla ses femmes. Elle ordonna qu'on lui apportât ses vêtements et de la lumière. Survint alors un camérier qui aperçut Siegfried couché à terre. Il le vit teint de sang. Ses habits en étaient tout inondés. Il ne savait pas encore que c'était son maître. Il porta dans la chambre le flambeau qu'il tenait à la main. À sa lueur, dame Kriemhild allait reconnaître l'affreuse vérité. Comme elle allait se rendre à l'église avec ses femmes, le camérier lui dit « Dame, arrêtez-vous, il y a là couché devant la porte un chevalier mort. »« Hélas !» dit Kriemhild, « quelle nouvelle m'annonces-tu » Avant qu'elle eût vu que c'était son mari, elle se mit à penser à la question de Hagen qui lui avait demandé comment il devait faire pour préserver la vie de Siegfried. Elle sentit en ce moment le premier coup de la douleur. Par cette mort, toute joie était chassée loin d'elle, sans retour. Elle s'affaissa à terre et ne dit pas un mot. On voyait là, étendue, la belle infortunée. Les gémissements de Kriemhild furent terribles et sans bornes. Revenue de son évanouissement, elle faisait retentir tout le palais de ses cris. Quelqu'un de sa suite parla. Quel peut être cet étranger ? Si grande était la douleur de son âme, que le sang lui sortit de la bouche. Elle s'écria « Non, non, c'est Siegfried, mon bien-aimé. Brunhild a donné le conseil. Hagen l'a exécuté. » Elle se fit conduire là où gisait le héros. De ses mains blanches, elle souleva sa tête si belle. Quoique rougie de sang, elle la reconnut aussitôt. Lamentablement, il était couché là, le héros du Nederland. La douce reine s'écria avec désespoir. « Malheur à moi, ô douleur ! Non, ton bouclier n'est pas lacéré par les épées. Tu as été assassiné. Si j'apprends qui t'a frappé, je le poursuivrai jusqu'à la mort. » Toutes les personnes de sa suite pleuraient et gémissaient avec elle, car leur regret était grand d'avoir perdu leur noble seigneur. Hagen avait vengé bien cruellement l'offense de Brunhild. L'infortunée parla. « Allez en toute hâte éveiller les hommes de Siegfried. Dites aussi ma douleur à Siegmund. Priez-le de venir avec moi pleurer le vaillant Siegfried. » Un messager courut en toute hâte là où reposaient les guerriers de Siegfried de Nibelungenland. La triste nouvelle leur enleva toute joie, mais ils n'y crurent point avant d'avoir entendu les gémissements. L'envoyé se hâta d'arriver près de la couche du roi. Siegmund, le vieux chef, ne dormait pas. Je pense que son cœur lui révélait ce qui était arrivé et qu'il ne devait plus jamais voir Siegfried. « Éveillez-vous, seigneur Siegmund. Kriemhild, ma maîtresse, m'ordonne de venir auprès de vous pour vous dire qu'un malheur lui est arrivé, qui plus que nul autre malheur l'a frappé au cœur. Vous aurez aussi à gémir avec elle, car cela vous touche de près. » Siegmund se souleva et dit « Quel est ce malheur de la belle Kriemhild dont tu me parles ?» L'autre répondit en pleurant. « Je ne puis vous le cacher, oui, le vaillant Siegfried du Nederland a été assassiné. » Le roi Siegmund reprit. « Cesse de railler, je te l'ordonne. Et ne répète pas cette affreuse nouvelle qu'on ait osé dire qu'il a été tué, car jamais jusqu'à ma mort je ne m'en pourrais consoler. Si vous ne voulez pas croire ce que vous m'avez entendu dire, venez écouter les gémissements que pousse Kriemhild et sa suite sur la mort de Siegfried. » Siegmund s'émut fortement. Une angoisse terrible s'empara de lui. Il sauta à bas de sa couche ainsi que 100 de ses hommes, qui armèrent leurs mains de leurs épées longues et acérées. Ils accoururent au cri de désolation. 1000 guerriers, des fidèles du hardi Siegfried, arrivèrent ensuite, là où l'on entendait les femmes se lamenter tristement. Elles s'aperçurent alors qu'elles n'étaient pas complètement vêtues. Le désespoir les privait de leur sens. Une profonde douleur les avait atteintes jusqu'au fond de leur cœur. Le roi Siegmund alla trouver Kriemhild et dit « Hélas, malheur à ce voyage en ce pays! Qui donc a pu tuer avec tant de barbarie ton époux, mon fils, chez des amis si dévoués ?»« Si je parviens à le connaître, dit la très noble dame, jamais ni mon bras ni mon cœur ne lui pardonneront. Je le voue à de tels maux que par moi tous ses amis seront à jamais condamnés à gémir. » Le seigneur Siegmund prit le prince dans ses bras. Les gémissements de ses amis étaient si grands que de leurs cris de désolation retentissaient le palais, la salle et la ville de Worms tout entière. Nul ne pouvait consoler la femme de Siegfried. On dépouilla le corps du héros de ses vêtements, on lava sa blessure et on le plaça sur une civière. Ses amis souffraient cruellement dans leur grand désespoir. Les guerriers du Nibelungenland parlaient entre eux. « Il faut que d'une ferme volonté nous consacrions notre bras à sa vengeance. Il est dans cette maison celui qui a commis le meurtre. » Tous les hommes de Siegfried coururent s'armer. Ces hommes d'élite arrivèrent là au nombre de 1100, et Siegmund le Riche était à leur tête. Il voulait venger la mort de son fils ainsi que le lui commandait son honneur. Il ne savait pas qui il devait attaquer, sinon Gunther et ses fidèles qui avaient accompagné le seigneur Siegfried à la chasse. Quand Kriemhild les vit armés, ce fut pour son cœur une nouvelle amertume. Quelque grande que fût sa douleur, quelque terrible que fût sa détresse, elle craignit tellement de voir succomber les Nibelungen sous la main des fidèles de son frère qu'elle les arrêta. Elle les admonesta avec douceur, comme l'aurait fait un ami fidèle. Cette femme riche en infortune parla. « Monseigneur Siegmund, qu'allez-vous tenter? Vous ne savez pas combien d'hommes vaillants a le roi Gunther. Vous vous perdrez tous si vous voulez attaquer ces guerriers. » Leurs boucliers fortement attachés aux bras, ils avaient soif de combattre. La noble reine les pria, leur commanda de s'en abstenir. Ces guerriers magnanimes n'y voulaient pas consentir, car cela leur brisait le cœur. Elle dit « Monseigneur Siegmund, laissez là ce projet jusqu'en des moments plus opportuns. Je serai toujours avec vous pour venger mon époux. Celui qui me l'a ravi quand je le connaîtrai me le paiera cher. Ils ont ici au bord du Rhin une trop grande puissance. C'est pourquoi je ne veux pas vous conseiller la lutte. Ils seraient 30 contre 1. Que Dieu leur rende largement tout le bien qu'ils nous ont fait. Ainsi, demeurez ici et souffrons ensemble cet affreux malheur. Quand il commencera à faire jour, vous m'aiderez, guerrier magnanime, à ensevelir mon époux chéri. » Les guerriers répondirent « Qu'il en soit fait ainsi, maîtresse bien-aimée. » Personne ne peut vous redire comme on entendit se lamenter misérablement les femmes et les chevaliers, tellement que toute la ville ouït leur gémissement. Les nobles gens de la ville accoururent en hâte. Ils pleurèrent avec les étrangers, car c'était pour eux une grande peine. Ils ignoraient pour quelles offenses Siegfried, le noble héros, avait perdu la vie. Les femmes des bons habitants du bourg pleurèrent avec celles de la reine. On ordonna à des forgerons de faire en hâte un cercueil d'or et d'argent, très grand et très fort, réuni par des plaques de bon acier. L'âme de chacun était profondément attristée. La nuit était passée, on annonça le jour. La noble dame fit porter à la cathédrale le seigneur Siegfried, son époux bien-aimé. Tout ce qu'il avait là d'amis suivait en pleurant. Quand on le porta dans l'église, que de cloches sonnèrent. On entendait de toutes parts le chant de maints prêtres. Vinrent aussi le roi Gunther avec ses hommes et le féroce Hagen. Ils eussent mieux fait de s'en abstenir. Le roi dit « Chère sœur, hélas, quelle souffrance est la tienne! Que n'avons-nous pu échapper à ce grand malheur ? Nous déplorerons toujours la mort de Siegfried. » Vous le faites sans motif, dit la femme désolée. Si vous aviez dû en avoir du regret, cela ne serait pas arrivé. Ah, vous n'avez point pensé à moi, je puis bien le dire, puisque me voilà séparée à jamais de mon époux chéri. Hélas, pourquoi le vrai Dieu n'a-t-il pas voulu que ce fût moi qui fût frappée ? Ils maintinrent leur mensonge. Kriemhild s'écria : « Que celui qui est innocent le fasse voir clairement, qu'il marche en présence de tous vers la civière. On connaîtra bientôt ainsi quelle est la vérité. » Ce fut un grand prodige, et qui pourtant arrive souvent. Dès que le meurtrier approcha du mort, le sang sortit de ses blessures. Voilà ce qui eut lieu, et on reconnut ainsi que Hagen avait commis le crime. Les blessures saignèrent comme elles avaient fait, étant fraîches. Les lamentations avaient été grandes, elles le furent bien davantage. Le roi Gunther parla. « Je veux que vous sachiez que des brigands ont assassiné Siegfried. Ce n'est pas Hagen qui l'a fait. »« Ces brigands, répondit-elle, me sont trop bien connus. Maintenant que la main du Dieu bon venge le crime. Oui, Gunther et Hagen, c'est vous qui l'avez commis. » Les guerriers de Siegfried songeaient de nouveau au combat. Une profonde douleur accablait Kriemhild. Son angoisse devint plus grande encore quand ses deux frères, Gernot et le jeune Giseler, vinrent se placer à côté du mort. Ils le plaignirent avec sincérité, et leurs yeux furent aveuglés par les larmes. Ils pleurèrent du fond du cœur, l'époux de Kriemhild. On allait chanter la messe. De toutes parts, hommes et femmes se dirigèrent vers l'église. Il y en eut bien peu qui ne déplorèrent pas la mort de Siegfried. Gernot et Giselher parlèrent. « Chère sœur, console-toi de sa mort, puisqu'il n'en peut être autrement. Nous tâcherons de t'y aider tant que nous vivrons. » Mais nul ne pouvait lui donner quelque consolation. Le cercueil fut prêt vers le milieu du jour. On leva Siegfried de la civière sur laquelle il était couché. Sa femme ne voulait pas encore le laisser enterrer, ce qui donna beaucoup à faire à tous ces gens. On enveloppa le mort dans une riche étoffe. Nul, je pense, n'était là qui ne versa des larmes. Wat, la noble femme, et toute sa suite pleuraient du fond du cœur sur le beau corps de Siegfried. Quand on entendit qu'on chantait à la cathédrale et qu'on l'avait enfermé dans son cercueil, une grande foule se rassembla. Que d'offrandes on fit pour le salut de son âme! Même parmi ses ennemis, plus d'un se prit à le regretter. La pauvre Kriemhild dit à ses camériers : « Pour l'amour de moi, vous allez devoir vous donner de la peine. Au nom de l'âme de Siegfried, vous distribuerez son or à tous ceux qui lui veulent du bien et qui me sont dévoués. Nul enfant si petit qui, parvenu à l'âge de raison, ne voulut aller à l'offrande. Avant qu'il fût enterré, on chanta bien 100 messes par jour. Les amis de Siegfried s'y pressaient en foule. Quand on eut fini de chanter, le peuple se dispersa. Dame Kriemhild parla. « Vous ne me laisserez point seule cette nuit veiller le corps du héros sans pareil. Avec lui, toute joie est enfermée dans cette bière. Je veux qu'il reste ainsi 3 jours et 3 nuits, afin que je puisse encore jouir de la présence de mon époux bien-aimé. Peut-être Dieu ordonnera-t-il que la mort me prenne aussi. Ainsi finirait la douleur de l'infortuné Kriemhild. » Les gens de la ville rentrèrent en leur logis, mais elle ordonna au prêtre, au moine et à toute sa suite de veiller près du héros. Ils eurent de tristes nuits et des journées pénibles. Plus d'un guerrier resta sans boire et sans manger. À ceux qui voulaient prendre de la nourriture, on en offrait en abondance. Siegmund y pourvoyait. C'était une grande besogne pour les Nibelungen. Pendant ces 3 journées, avons-nous entendu dire, ceux qui savaient chanter accomplirent une tâche pénible à cause de la douleur qu'ils éprouvaient. Ils prièrent pour l'âme du guerrier vaillant et magnanime. On fit également aller à l'offrande, avec de l'or pris dans le trésor de Siegfried, les pauvres qui étaient là et qui ne possédaient rien. Comme ils ne devaient plus vivre ici-bas, bien des milliers de marks furent donnés pour son âme. On distribua ces terres arables aux couvents et aux bonnes gens. On donna aux pauvres de l'argent et des vêtements à profusion. Kriemhild fit bien voir par ses actions combien son âme lui était dévouée. Au matin du 3e jour, à l'heure de la messe, le vaste cimetière, près de la cathédrale, était rempli de gens de la campagne qui pleuraient et qui rendaient hommage aux morts, comme on le fait à ses amis chéris. On dit que dans ces 4 jours, 30 000 marks et plus furent donnés aux pauvres pour le salut de son âme. Son corps puissant et d'une si grande beauté était là, couché dans le néant. Quand on eut servi Dieu et que les chants furent terminés, beaucoup d'entre le peuple se tordirent les mains de désespoir. il fut porté hors de l'église vers la fosse. Là, on entendit gémir et pleurer. Les gens suivirent le corps avec des cris de douleur. Nul n'avait de joie, ni homme ni femme. Avant de le mettre en terre, on chanta et on pria. Ah, que de bons prêtres étaient présents à son enterrement! Quand la femme de Siegfried voulut se rendre vers la fosse, un tel désespoir étreignit son cœur fidèle qu'on fut obligé de lui verser sur le corps à plusieurs reprises de l'eau de la fontaine. Sa désolation était profonde et sans bornes. C'est vraiment merveille qu'elle en revint jamais. Mainte femme était près d'elle qui l'aidait tout en gémissant. La reine parla. Ô vous, fidèle de Siegfried, que votre dévouement m'accorde une grâce. Qu'une légère satisfaction me soit donnée au milieu de mon affliction. Faites que je puisse contempler encore une fois sa belle tête. Pleurante, elle pria si longtemps et si instamment qu'il fallut briser le magnifique cercueil. On la conduisit vers la fosse. De ses blanches mains, elle souleva sa tête si belle et le baisa mort, le noble et bon chevalier. De douleur, ses yeux si brillants pleurèrent du sang. Ce fut une séparation déchirante. On l'arracha de là. Elle ne pouvait point marcher. On vit la noble dame tomber sans connaissance. Son corps, si gracieux, semblait succomber à ce désespoir. Quand on eut mis en terre le noble seigneur, ce fut une désolation sans mesure pour tous les guerriers qui étaient venus avec lui du pays des Nibelungen. Jamais plus on ne vit Siegmund joyeux. Il y en eut plus d'un qui, pendant ces 3 jours, ne but ni ne mangea à force de douleur. Cependant, ils ne pouvaient complètement oublier les besoins du corps. Ils se réconfortèrent plus tard, ainsi qu'il arrive souvent. Kriemhild demeura évanouie et privée de sentiments, le jour et la nuit jusqu'au jour suivant. Quoi qu'on pût lui dire, elle ne le comprenait pas. Le roi Siegmund gisait en proie au même désespoir. Ce fut avec peine qu'on fit reprendre connaissance au vieux roi. Sa force était épuisée par sa profonde affliction, et il ne fallait point s'en étonner. Ses hommes lui dirent « Seigneur, rentrez dans votre pays, nous ne pouvons demeurer ici plus longtemps.